J'ai parcouru tant de vies, de kilomètres, pour en arriver là, au milieu de nulle part. Je sais bien que le temps n'est plus le maître, qu'il ne sert à rien de rêver parfois. J'ai parcouru tant de vies, de kilomètres, pour en arriver là, au milieu de nulle part. Je sais bien que le temps n'est plus le maître, qu'il ne sert à rien de rêver parfois. J'ai parcouru tant d'histoires de ma fenêtre, me demandant pourquoi, enfermé dans le noir. Je sais bien que la vie est ainsi faite.